vers le passé, à tout bout de champ, et puis pleurer. Je dresse le bilan de l'année passée. Qu'est-il arrivé? Je me suis marié. Ma blonde m'est brune, parfois décolorée, m'a donné sa main, sans vraiment broncher. J'ai fait les choses bien, me suis agenouillé. Après un petit bébé, elle n'a pas résisté. Il nous arrive souvent de s'engueuler. Oh, ça s'te plaît. Je me sens harponné. Fais des efforts, t'as tendance à m'oublier. C'est toi qu'oublie qu'on a bougé le mois dernier. Toujours mal luné et t'aimes bien picoler. Même jambes écartées, difficile de t'allumer. Ouais, et alors? Tu ne vas pas non plus quand c'est des efforts. Ne considère pas comme un alcoolique. Je serai sûrement bien plus sympathique. Plutôt de l'avant. Pourquoi ai-je l'impression que c'est de la haine que tu transpires? Autrefois, ton cœur plus généreux, il avait tout à m'offrir. Ma belle, je t'aime et si j'évoque l'avenir, c'est pour que demain ne soit pas marqué comme pire. Avenir! Avenir! Peut-être même l'aurore. Avant d'être mort, je ferai des efforts. Profitons-en, demain nous serons vieux. On n'a pas promis qu'on se fichait à Dieu. Et seulement rester toute la vie, tous deux. Conscient qu'on combat toute la vie des deux. La suite à venir.